M'encanta començar els nostres programes amb cançons que parlin de música. Set Music és un tema de Ginette Ménard que avui obre aquesta edició de Oh La La Música, el programa de música en francès amb Rafael Corbí. Musique. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Mon cœur devient alors mélancolique. Aussitôt que j'entends cette musique, cette musique. Avui ja us vàrem comentar amb el nostre anterior programa que tirarem de Maroteca, tirarem d'aquells àlbums que ens havien quedat penjats i que a poc havíem anat acumulant en diferents llocs i que, per una cosa o per l'altra, doncs ara mateix us volem anar oferint. També per fer una mica de neteja de tot el que ens va quedar acumulat. Gràcies sobretot, i això ho agraeixo sempre, a les vostres peticions que ens fan descobrir nous artistes que nosaltres o teníem oblidats o desapareguts o senzillament, que també pot passar, no coneixíem. Avui Michel Thor ens acompanyarà amb la seva música. Aquesta artista ens portarà concretament 5 cançons que han triat d'un recopilatori publicat el 2011, concretament un que es deia doncs, The Best of, el millor d'aquesta artista. Podien triar moltíssimes. Quan es tria un àlbum que es diu el millor, se suposa que són les seves millors cançons, no les que han agradat més a cada un de vosaltres, sinó en general les que més han triomfat. Anem a escoltar-la, doncs. Aquesta primera amb Claude Barzotti, amb una cançó inèdita que es va incloure en aquest àlbum, que es deia Not a Pair, i que ara mateix escoltem. Thank you. Notre Père, Padre nostro, qui es aux cieux, che sei nei cieli, que ton nom sia santificato, soit sanctifié, il tuo nome, que ton règne venga, il tuo regno, vienne, que ta volonté soit faite, sia fatta la tua volontà, sur la terre, come in cielo, come au ciel, così in terra. Donne-nous aujourd'hui, dacci oggi, notre pain de ce jour, il nostro pane quotidiano. Pardonne-nous nos offenses, rimetti a noi, comme nous pardonnons aussi i nostri debiti, à ceux qui nous ont offensés, come noi rimettiamo ai nostri debitori, et ne nous soumets pas, à la tentation, in tentazione, mais délivre-nous, ma liberaci, du mal, dal male, car c'est à toi qu'appartiennent, perché a te che appartiene, le règne, il regno, la puissance, la potenza, et la gloire, et la gloria, pour les siècles, des secoli, ainsi, amen. Soit-il ainsi, soit-il ainsi, soit-il ainsi, soit-il ainsi, soit-il. Des blessures qui ne peuvent se dire, plutôt que de mentir, il valait mieux partir pour te laisser le temps d'essayer de grandir, pour me laisser le temps d'oublier, de guérir. J'ai laissé un peu de moi pour toi, et si tu sais chercher, tu me retrouveras juste à côté du cœur où les mots ne vont pas, pour que t'aies plus jamais peur, pour que t'aies plus jamais froid. Mais il est des couleurs, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Et si tout nous sépare, et si tout nous déchire, je veux pas que notre histoire comme ça puisse finir. Il te fallait pas jouer avec moi, maintenant faut s'aimer, se faire mal, c'est comme ça, c'est comme ça, mais ne m'oublie pas, m'oublie pas, ne m'oublie pas. S'il est des blessures qui ne peuvent s'écrire, comment faire pour te dire, comment si t'es pas là, que ma vie sans toi se déchire. En silence, en petit bout, l'amour ne peut mourir. Lorsque je pense à nous, s'il est des douleurs que le temps n'efface pas, quel que soit le jour, l'heure, aussi loin que tu sois, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Moi, je t'oublie pas, je t'oublie pas. Je t'aime. Me chantais souvent. J'aime, j'aime, j'aime la chanson qui rappelle nos 15 ans. À 15 ans, on rêvait de partir à Venise ou ailleurs, souviens-toi. Souviens-toi comme nous étions heureux quand on dansait tous les deux. C'est vrai, je n'osais pas t'embrasser, mais tu sais, je n'ai rien oublié. Et dis-moi, dis, qu'est-ce que tu deviens? Je suis marié, tu sais bien. J'aime, j'aime, j'aime la photo où tu me prends dans tes bras. J'aime, j'aime, j'aime les mots d'amour que tu me disais tout bas. Je t'aime comme la première fois, mais tu vois, rien n'est plus comme avant. Aujourd'hui, toi, tu vis loin de moi et le monde est différent. Je sais bien, c'est chacun pour soi et nous n'aurons plus jamais 15 ans. Mais n'oublie pas que l'on s'était promis de s'aimer toute une vie. Aquesta va ser possiblement la seva cançó més coneguda, aquest Gem, a França, molt d'èxit. A la dècada dels 70 havia començat la seva carrera artística. El 1962, la Michelle Thor va néixer, de fet és una cantant catalana, va néixer al Pertús, el 7 d'abril del 1947, i participant dues vegades a Eurovisió, però mai representant a França. Va representar el 66 a Luxemburg i el 77 a Mònaco, també coneguda perquè interpretava les cançons d'Edith Piaf d'una manera excepcional. D'aquest disc escoltarem un parell de cançons més, recordem que no són totes les seves més famoses, és un triple compacte i hem triat un dels tres. Temps hi haurà per escoltar més cançons, si aquest programa continua al vostre costat unes quantes temporades més, doncs n'escoltarem de Michelle Thor unes quantes cançons més. Regarde par la fenêtre quand la ville se réveille. Dès lors que je veux voir le soleil aux couleurs de l'arc-en-ciel. Je veux voir autant de lumière dans ma vie que sur scène. Illuminer vos rêves, faire disparaître vos peines. chaque instant et lui dire au passage non tout simplement. Jamais le temps de rire un instant. Je veux voir autant de lumière dans ma vie que sur scène. Redonner un peu de chaleur à tous ceux qui ont froid dans leur cœur. Je veux stopper le temps qui nous guette chaque instant et lui dire au passage non tout simplement. Pour s'inviter à votre table avec le regard de l'amour. Comme le cœur d'Emmanuel, la sœur de nos oiseaux sans ailes, ces petits mendiants des faubourgs. Sœur des paumés, des bidonvilles, loin des touristes qui défilent à l'ombre des palmiers du Caire. Où sa vie tout près des poubelles, voit la misère qui s'amoncelle, loin de l'action humanitaire. Sœur Emmanuel, ton paradis, c'est les autres. Pour elle, le paradis de tous les jours, ce n'est rien d'autre que de d'Emmanuel. Il faut un cœur très charitable pour partager à votre table tous les festins que l'on n'a pas. Comme les mains d'Emmanuel, sœur des exclus, des citadelles, des oubliés qu'on n'oublie pas. Sœur Emmanuel, ton paradis, c'est les autres. Pour elle, tout ce qu'elle sème sur son parcours, ce n'est rien d'autre que de l'amour. Éternel Emmanuel, sans le cœur de l'homme, tu y trouveras un soleil. Ce n'est rien d'autre que de l'amour. Éternel Emmanuel. Esteu escoltant Ulala Music. Two. où il ne dira pas. Il ne dira pas là où il ne dira pas que pour cet amour il a ce désir-là. Il ne dira pas là où il ne dira pas que dans ses bras la nuit il pleure tout bas. Aquesta cançó i amb aquest àlbum que avui recuperem Micho Man Pro, va ser un debut que va passar molt desapercebut aquest artista. Més tard aquest àlbum es va convertir en disc d'or i es va reeditar, que de fet és el que escoltem nosaltres avui, el 31 d'octubre de 2011 amb una reedició de Lux. Es va publicar originalment el novembre del 1981, aquest va ser l'únic senzill que va sortir en aquell moment, malgrat les seves bones crítiques per part de la premsa especialitzada. Un disc va passar desapercebut per al gran públic i va triomfar, de fet, ho va fer-ho anys després. L'Etienne és un personatge nascut a l'Algèria, a Oran, concretament, al 1956, com tants i tants artistes francesos, autor, compositor, intèrpret, productor, i que als anys 80 va ser prou conegut. Escoltem el senzill que va sortir després, el 2011, d'aquest mateix àlbum, quan es va reeditar. Es deia Cowboy. Cowboy, gare son cheval près d'une limousine au fond du parking. Prends sa carabine. Cowboy se méfie, se tait, puis d'un coup s'allume et raconte l'histoire d'un cowboy de 10 ans. Et si t'en place une, tourne ses yeux clairs, redevient sévère. Les petits garçons rêvent d'aventure, tant de chemins foulés par leurs chaussures. Bute les sinocs, casse des quenottes, et après sirote tequila sunrise, fume des king size. Cowboy, elle se débine, belle mexicaine de la peine, yeux et cheveux d'ébène, jambes et taille de reine, à son cœur t'enchaîne, t'as pas eu de veine. Les petits garçons rêvent d'aventure, tant de chemins foulés par leurs chaussures. Reprends ton cheval et ta carabine, complète le parking. Tourne donc la page de ton livre d'images, paysages et voyages. La versió editada el 2011, que conté una primera part amb les cançons que en formaven part, però remasteritzades, i després també les versions single, singles alternatius, versions que van sortir, i demos de l'any 1978 d'alguna d'aquestes mateixes cançons, com si fossin la maqueta, i repeticions diverses dels mateixos. De fet, són tomes diverses de les mateixes cançons, fins a un total de 27 amb el CD2 i 16 amb el CD1. Va sortir també el 2011 un tercer senzill, que és aquest que escoltem ara mateix d'aquest disc de l'Etienne, quan ja era absolutament popular. Entre nous deux, c'est la guerre. Notre histoire qui se traîne par terre. C'est la haine et c'est la bataille. Enfin bref, tous deux on déraille. Oh. Pourtant je sais, tu m'aimes encore. Et pourtant je sais, tu m'aimes encore. Et pourtant je sais, tu m'aimes encore. À couteau tiré, ça va finir par éclater. Regard en coin et méfiance, mal à l'aise et désespérance. Pourtant tu sais, je t'aime encore. Et pourtant tu sais, je t'aime encore. Et pourtant tu sais, je t'aime encore. Il y a de l'eau dans le gaz. Ça me fait craquer, ça te déphase. On se fait du mal, on se fait la gueule. Je te quitte et tu me laisses seul. De rire. pas. Alors je raconte des histoires à qui veut me croire. Je suis le premier à tomber dedans. Les deux pieds, les deux mains et le reste. Mais ça ne suffit pas. Alors je réinvente ma vie, des amours, des passions et des situations. Tu peux dire que je ne tourne pas rond. Qu'importe. À se tordre de rire. J'y emploie tout mon temps. Pourtant, et ça ne suffit pas. Alors esteu escoltant Oh La La Music, el programa de música francesa presentat per Rafael Corbí. Quelque chose de tendre s'est levé, quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à mal dedans. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Qu'est-ce ce bijou d'ici? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui, encore. Oui encore, mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici bas? Quelque chose nous emporte, nous réveille. Quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu croisais quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Qu'est-ce ce bijou d'ici bas? Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose? Ce bijou d'ici bas. Doncs escoltem la música de la Carla Muni amb el seu darrer àlbum, un disc que va veure la llum el 9 d'octubre de 2020, amb aquest àlbum, que sona com ella, Carla Bruni, que de fet és el seu sisè àlbum en la seva discografia, cantant i compositora, sis àlbums, diversos senzills d'èxit i diversos vídeos musicals, però també actriu, és una de les veus més dolces que a mi m'han encantat sempre, la Carla Gilberta Bruni Tedeschi, així va néixer ella, aquesta artista, a Turín, al Piemont, a Itàlia, el 1967, i esposa de Nicolas Sarkozy. Escoltem ara mateix cançons d'aquest disc, d'aquest àlbum, en el qual també s'hi troba, no l'escoltarem perquè és cantada en castellà, una versió d'un tema compost per José Luis Perales. L'artista Janet la va fer popular, aquell Por qué te vas, es troba també inclòs en aquest disc. Hi ha cançons com aquest Quelquechós, Com un gran amor, Com si te dier, Ole garçon trist, El noi trista. Per tant, són aquestes cançons que escoltarem ja a la recta final del programa d'avui. On peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche. On doit chercher l'amour, c'est la moindre des choses, tu sais. Il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, et rien d'autre qui compte. On peut chercher l'amour de mille et une manières, tranquillement en passant, ou alors comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. On doit chercher l'amour pour sauver nos peaux de l'effroi, pour sauver nos vies de l'enfer. C'est gravé dans la pierre. Mais quelquefois il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait toujours. On a besoin d'amour, quels que soient nos visages, quelles que soient nos prouesses, et quelles que soient nos équipés sauvages. On a besoin d'amour, tout comme l'on respire, tu sais. C'est là qu'est notre inespéré, c'est là qu'on se déchire. Il nous arrive d'aimer contre toute espérance, sans l'ombre d'un atout, sans l'ombre d'une chance, comme à genoux. Il nous arrive d'aimer comme des naufragés, tu sais. Comme des possédés, c'est vrai, c'est là qu'est notre chance. Et quelquefois, il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait. Quand on retrouve l'amour, c'est comme une page blanche qui nous reste à écrire, tout comme l'on se penche. Regarde, regarde, il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait toujours. Sont passés en une semaine, c'est comme si c'était hier, c'est comme si c'était hier. Ta main qui tenait toujours la mienne, sous ton manteau d'hiver, sous ton manteau d'hiver. Mais quand y aura la fin du monde, alors tu me reviendras, alors tu me reviendras. Quand tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera, on se retrouvera. Mille ans sont passés en une seconde. C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier que nos rêves de feu faisaient des triomphes. Tant pis pour l'enfer. Et tant pis pour l'enfer. Mais quand tu auras la fin du monde, alors tu reviendras. Alors tu me reviendras. Quand tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera. On se retrouvera. Viens voir la terre qui tourne rond. C'est comme si on pouvait croire. C'est comme si on pouvait croire que ta voix nous revient de l'ombre. On garde encore ta voix cachée dans un tiroir. Passé comme pour rire, on dirait que c'était hier, on dirait que c'était hier. Que l'on s'imagine devenir, mais tout n'est que poussière, oui, tout n'est que poussière. Mais quand viendra la fin du monde, alors je serai là, oh oui, je serai là. Quand tout autour de nous s'effondre, on se retrouvera. On se retrouvera, on se retrouvera, on se retrouvera. C'est un garçon triste qui connaît bien l'attente. C'est un gosse oublié. Oui, c'est un garçon triste et son cœur de brocante à prendre ou à laisser. Comme les garçons tristes, il invente, il résiste pour se faire remarquer. Comme si la tristesse, cette mauvaise, cette sorcière, elle avait fait s'envoler. Et comme les garçons tristes, il dessine sans répit. De quoi se consoler? Un frisson, un délice, un instant, un abri. Quelque chose à rêver. J'aime ce garçon triste, comme à chaque sourire, il semble s'excuser. J'aime comme il sait croire, comme il sait s'éblouir, simplement d'exister. Je chante un garçon triste qui se donne des grands airs pour ne pas se noyer. Comme tous les garçons tristes, il aime jouer au cador, jouer au roi du quartier. Et puis ce garçon triste est entré dans ma vie. Il a tout dérangé, mes rêves et leurs esquisses, mes souvenirs, mes délits. Il a tout emporté. C'est pour un garçon triste que j'ai posé mes armes doucement à ses pieds. Et pour ce garçon triste, je suis prête à souffrir, je suis prête à trembler. Il est comme une promesse, il est comme un vacarme, il est mon naufragé. Il est ma seule tendresse, mon amour, mon alarme, mon enfant, mon péché. Il est comme un vacarme, comme un naufragé. Il est ma seule tendresse, mon amour, mon alarme, mon prince et mon péché. La Carla Bruni ens ha acompanyat amb aquesta recta final del programa del dia d'avui, que ha comptat amb tres veus excepcionals: la Michelle Tor, la cantant nord-catalana, la Etienne Daho, i la Carla Bruni, per acabar amb aquestes cançons que us comentàvem. Una de les millors veus, al meu entendre, i no sé si els nostres oients de l'Ala Música doncs pensen el mateix. Consultes, perquè d'aquí neixen aquests programes. Tot el que ens vulgueu enviar a través d'aquest espai, doncs sapigueu que intentarem escoltar-ho, i ens podeu buscar a les nostres pàgines, per exemple, de Facebook o al nostre blog. Carla Bruni ens tancarà la versió de Lux, el seu àlbum de Lux, del Carla Bruni, publicat, com he dit, a finals de 2020, amb un darrer tema, Laisse Pagues. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, un plaer, i moltes, moltes gràcies un cop més per la confiança, per escoltar aquest espai. A reveure. Comment vont faire les séparés lorsque leurs jours seront comptés? Comment vont-ils s'endormir sans que se mêle leur soupir? Comment vont faire les séparer contre la morsure de l'absence? Contre l'ennui et le silence qui les déchire comme du papier? Serons-nous tous des séparés? Des orphelins, des égarés? Serons-nous tous des séparés, des inconnus, des étrangers? Serons-nous tous des séparés? Comment vont faire les séparés pour ne plus être l'un à l'autre? Comme des damnés, comme des apôtres, et l'un à l'autre emprisonnés. Serons-nous tous des séparés, des orphelins, des égarés? Serons-nous tous des séparés, des inconnus, des étrangers? Serons-nous tous des séparés? Comment vont faire les séparés lorsque leurs jours seront comptés? Et quand bientôt ils vont goûter à la souffrance et au secret? Serons-nous tous des séparés? Des orphelins, des égarés? Serons-nous tous des séparés? Des inconnus, des étrangers? Serons-nous tous des séparés? Des orphelins, des égarés? Serons-nous tous des séparés? Des inconnus, des étrangers? Serons-nous tous des séparés?